Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Bienvenue à En Piste avec Tania Baudin sur les ondes de Cifou 89.1 FM. On est mercredi après-midi, mais peut-être est-ce que vous nous écoutez pas mercredi après-midi, parce que comme le dit si bien mon collègue de travail Mathieu Plante, j'oublie toujours que j'ai des rediffusions. Alors qu'on soit mercredi, bon mercredi à tout le monde. Si vous nous écoutez le dimanche, bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. On est ensemble pour la prochaine heure jusqu'à 15h, jusqu'au Mathieu Plante Show pour discuter bien évidemment de courses automobiles et écouter du country comme à chaque bonne semaine. On aime ça. Et comme à chaque semaine, eh bien, j'aime bien commencer l'émission en vous disant un petit peu c'est quoi le plan de la journée, c'est quoi le plan de l'émission aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on ne va pas recréer la roue, mais vous savez très bien que c'est une émission consacrée sur le monde du sport automobile. Alors, automatiquement, on va discuter de qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière fin de semaine dans le monde de la course automobile, que ce soit au Canada, que ce soit ici au Québec, un petit peu plus près de chez nous. On aime ça revoir et peut-être même discuter certains événements qui se sont produits sur des pistes, que ce soit des accrochages ou que ce soit des spectacles hors du commun. Alors, on aime toujours ça. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. On va discuter, entre autres, de la classique de printemps qui avait lieu au Mont-Tremblant. On va aussi discuter NASCAR Canada, donc NASCAR Pinty's. On va discuter Formule 1600. On va discuter de karting aussi, parce que gros événement de karting qui va arriver cette fin de semaine. On va discuter aussi d'un pilote qui est coaché par... par un gars de la région, un pilote connu de la région. Alors, un petit peu plus tard dans l'émission, ça va être quasiment en milieu d'émission, tout ça. Et on va aussi s'entretenir avec Patrick Dussault, un pilote de la série NASCAR Pinty's que certains connaissent. Il a déjà fait apparition dans l'émission, si je me souviens bien, c'est il y a quelques semaines. Et je pense que c'est 2 à 3 semaines. Mais en fin de semaine, Patrick Dussault a décidé de sauter dans une voiture totalement différente que celle de son stock car de la série NASCAR. Alors, on va discuter avec lui de comment est-ce que ça s'est passé et tout simplement comment est-ce qu'il se sent par rapport à ça. Alors c'est un petit peu le plan d'aujourd'hui et comme vous le savez si bien, j'aime ça, partir ça comme il se doit. Alors bienvenue à En Piste avec Tania Baudin. C'est déjà le temps de discuter de tout ça, tout ce qui nous passionne. Je sais que certaines personnes sont pas nécessairement passionnées du monde des moteurs de la course automobile, mais pour ceux qui viennent tout juste de nous attraper, sachez que si jamais vous aimez la musique country, eh bien cette émission joue beaucoup de musique country parce que c'est un style de musique que j'aime beaucoup. Alors si jamais vous aimez ça, eh bien restez à l'antenne parce que vous allez en entendre durant la prochaine heure. Et j'ai comme le goût de faire changement aujourd'hui, cette semaine. J'ai le goût tout simplement de commencer cette fameuse émission-là avec justement de la musique. C'est rare que je fais ça. En temps normal, je vais tout simplement tout de suite sauter à qu'est-ce qui s'est passé durant la fin de semaine dans le monde de la course automobile. Mais là, je me sens différente et je pense que c'est de la faute au soleil. Pour ceux qui nous écoutent dimanche, j'espère qu'il fait soleil. Mais mercredi, très belle journée et c'est ce qui me met dans l'ambiance pour écouter bien évidemment du country. Alors voici Cherry Bomb et River Town Saints. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Ain't a firecracker, she's a cherry bomb. She's a slick size six in her 6-inch heels. She's a four on the floor, hell on wheels. She's the eye of the tiger if you're looking for a cat fight. She's a 5-alarm fire in the middle of midnight. Dawn. cracker, she's a cherry bomb. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Ain't a firecracker, she's a cherry bomb. Lazy little devil in my atmosphere. She's got angel wings when the smoke is clear. She's my backwards breeze, she's my lightning storm. Yeah, she's a brand old cyclone in my arms. Hey, yeah, she got it going on like hell, yeah. She's my wild cat and my health is better. My ever after, I gotta go get my Jolene, my Delta Dawn. She blows me up, she turns me on. Ain't a firecracker, she's a cherry bomb. For a little bitty thing, make your body shake, make your ears ring. Find that fuse, strike that match. 3, 2, 1, better step on back. Hey, yeah, she got it going on like hell, yeah. She's my wild cat, of my health is better, my ever after. I gotta go get her, my Jolene, my Delta Dawn. She blows me up, she turns me on. In a firecracker, she's a cherry bomb. Firecracker, she's a cherry bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Ain't a firecracker, she's a cherry bomb. Cherry Bomb, River Town Saints. C'est un band que je viens tout juste de connaître, puis je pense que je vais prendre quelques instants dans les sections course automobile pour vous en parler, parce que c'est vraiment un band que je viens justement de connaître et que j'adore. J'ai comme l'impression qu'on va en entendre beaucoup dans les prochaines semaines à venir dans En Piste avec Tania Baudin. C'est un band complètement canadien, sachez-le, ils viennent tous d'Ottawa. Il y a certains gars qui parlent très bien le français aussi, alors... probablement que dans les prochaines émissions, les prochaines semaines, vous allez entendre encore du Rivertown Saints. Cette pièce-là que vous venez tout juste d'entendre s'appelle Cherry Bomb et elle vient tout juste de sortir. Alors, allez voir sur Internet si ça vous intéresse. Mais, wow! Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon que de commencer une émission comme ça. J'adore la toune, j'adore le rythme qu'elle a. Alors comme ça, c'est de cette façon qu'on va commencer l'émission, tout simplement, pour discuter de ce qui s'est passé durant le week-end dans le monde de la course automobile. Comme je vous le disais, du côté de Mont-Tremblant, ça l'a bougé beaucoup. On parle de la classique d'été. C'est un classique. Eh bien oui, c'est le cas de le dire. C'est un événement qui arrive à chaque année, bien évidemment, en plein... j'ai comme le goût de dire mi-saison de quasi presque toutes les séries de courses automobiles au Québec. C'est vraiment un événement qui est quand même assez bien reconnu. Et ça s'est super bien passé de ce côté-là. Il n'y a pas eu trop d'accrochage ou quoi que ce soit. Par contre, bien évidemment, Mère Nature a décidé d'en faire autrement pour ce qui était de la fin de semaine. On a eu un samedi matin quand même assez sec, ce qui a permis à certains pilotes, que ce soit en série Nissan Micra ou que ce soit en Formule 1600 ou les autres séries qui étaient là en fin de semaine, de pouvoir qualifier quand même sur le sec. Mais au moment où qu'on arrive pour faire les épreuves, c'est-à-dire les courses, eh bien Mère Nature a décidé de se laisser tomber et de se laisser aller vraiment du plus haut de sa forme, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais samedi, c'était peut-être pas la plus belle température au monde. Je pense quand même un peu partout au Québec, c'était pas une super belle température. Je pense qu'il y a seulement dans le coin de Québec où c'était beau. Moi, j'étais dans le coin de Québec et sérieusement, gros soleil. Mais malheureusement, dans le coin de Montréal puis ces environs-là, même ici à Trois-Rivières, ça a quand même beaucoup tombé. Alors, on a eu plusieurs grosses pluies, ce qui a permis quand même aux pilotes de la série Nissan Micra de pouvoir montrer de quoi est-ce que leur bolide était fait. Qu'est-ce qu'il y avait justement en dessous de ce fameux capot-là? Est-ce que l'adhérence allait être bonne comme comme on l'expliquait depuis la création de cette série-là. Et sachez que oui, ça l'a répondu à ce fameux questionnement, parce qu'on a quand même très bien fait. C'est vraiment sur... J'ai comme le goût de dire que c'était comme un orage tropical en fin de semaine. C'était vraiment pas beau du côté de Mont-Tremblant. Ça l'a vraiment... Ça l'a mis les pilotes dans une nouvelle épreuve. C'est sûr que ça en a challengé certains. Et de ce côté-là, eh bien, ça l'a vraiment donné cette chance-là, justement, à plusieurs pilotes de pouvoir montrer de quoi ils étaient capables sur la pluie, contrairement au sec. Je pense que c'est une des premières fois cette saison qu'on coursait vraiment avec une grosse pluie comme celle-là. Alors, sachez que Xavier Coupale a remporté les deux courses cette fin de semaine au Mont-Tremblant. Félicitations à Xavier Coupale. Samedi, Kevin King avait récolté la pole position, donc c'est lui qui avait fait le meilleur temps en qualification. Par contre, comme je viens de le dire, Xavier Coupale a remporté les deux courses. Valérie Limoges a elle aussi donné une très bonne performance cette fin de semaine. Valérie Chiasson aussi, sachez-le. Mais Valérie Limoges a vraiment... elle a très bien qualifié. Elle a vraiment bien fait. Elle est tombée troisième en qualification le samedi. Alors, de ce côté-là, c'est une de ses meilleures performances en série depuis ses débuts l'année dernière. On est vraiment très fiers d'elle. Félicitations, Valérie, qui est une habituée des événements de course automobile et vraiment de plusieurs circuits, que ce soit au Canada ou que ce soit aux États-Unis. Ça fait quand même assez longtemps qu'on peut croiser Valérie dans les paddocks, dans les enclos, sur une piste de course. Et j'adore ça, voir à quel point Valérie, elle a encore autant de vouloir lorsqu'elle arrive sur une piste de course, que ce soit avec des plus jeunes ou que ce soit avec des plus vieux. Je connais Valérie depuis vraiment de bonnes années, disons-le, une couple d'années. Et quand j'étais petite, je l'admirais donc. Et je crois que je l'admire encore pour ça. Elle a encore autant de fun à faire ce qu'elle fait. Et c'est souvent ce que l'on oublie dans le monde de la course automobile, que ce soit une série québécoise ou que ce soit une série canadienne, comme exemple, avec plus d'envergure comme la NASCAR Pinty's. Bien souvent, c'est ce que l'on va oublier. C'est d'avoir du plaisir malgré tout. C'est sûr que le côté de performance, on le veut, il est là. Ça nous le prend aussi à un certain point pour les commanditaires. Mais de ce côté-là, quand on met toutes les équations ensemble, ce qui nous reste, c'est vraiment le plaisir qu'on a eu d'être en piste, le plaisir qu'on a eu de partager ce fameux moment-là avec tous les gens dans les enclos. Et je pense que Valérie Limoges est vraiment un exemple de ça. Année après année, elle revient et elle semble toujours avoir autant de plaisir. Alors, félicitations, Valérie Limoges. Kevin King a lui aussi quand même très bien fait cette fin de semaine. Je tiens à souligner, félicitations, il vient de se fiancer aujourd'hui même, ce matin. Alors, félicitations à Kevin King et sa compagne. On souligne ça, là, comme ça, dans l'émission. Il n'y a pas personne qui va le savoir. C'est une petite blague, Kevin. On sait que Kevin est un habitué aussi de l'émission. On devrait probablement l'avoir en entrevue, d'ailleurs, lors des événements du Grand Prix de Trois-Rivières la deuxième fin de semaine. Donc, si vous suivez les événements du Grand Prix de Trois-Rivières la semaine prochaine... C'est déjà la semaine prochaine, tout ça. Vous allez avoir les épreuves de rallycross, de drift. La moto aussi va être là. Ça, c'est vraiment le premier week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. Par la suite, le deuxième week-end, c'est les séries que l'on connaît depuis des années ici. Formule 1600, Nissan Micra, NASCAR, Canada. Donc, toutes ces séries-là. Et l'émission En piste avec Tania Baudin va être diffusée directement les matins sur le terrain, justement, du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, si jamais vous passez par là, si jamais vous êtes disponible pour venir jaser avec nous, eh bien, surtout, ne vous gênez pas parce que nous, on va être là quand même assez de bonne heure. On va essayer de faire une coupe d'émissions en piste avec Tania Baudin avant que les courses, avant que la grosse horaire de journée commence sur le terrain et sur le circuit. Alors, si jamais vous êtes dans les environs et que vous écoutez En piste avec Tania Baudin et que vous voulez tout simplement nous faire peut-être un petit coucou, eh bien, sachez que ça va être disponible à l'attente Sifu 89.1 durant les deux week-ends parce que oui, on va faire la radiodiffusion du rallycross et aussi du deuxième week-end. C'est une petite parenthèse dans ma grosse parenthèse de qu'est-ce qui se passe en fin de semaine. Sachez-le. Du côté de NASCAR Canada, eh bien, ça se passait du côté de l'Ouest canadien. On est sur presque notre retour parce que présentement, mercredi, là, nous, il est 14h15. Donc, eux ont 3 heures de moins, mais sachez qu'à Saskatoon, aujourd'hui sa course, la série NASCAR Pinty's course le mercredi. On essaie de rapprocher ça tout simplement pour que le voyage dans l'Ouest canadien ne prenne pas des années pour revenir ici un petit peu plus dans l'Est. Alors, de ce côté-là, ça va courser cet après-midi. Si je me souviens bien, c'est ce soir. Présentement, on devrait être en temps d'essai ou on devrait être peut-être même en qualification. J'ai pas l'horaire devant moi, mais si on se fie aux réseaux sociaux, ça devrait commencer dans quelques instants. Et ce soir, eh bien, si jamais vous avez Race Monitor ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir suivre cette fameuse course-là. Mais cette semaine, en fin de semaine exactement, c'était du côté d'Edmonton. Donc, quand on fait le voyage dans l'Ouest canadien pour la série NASCAR Pinty's ou NASCAR Canada, eh bien, de ce côté-là, on fait Edmonton et Saskatoon. Et samedi soir, c'était du côté d'Edmonton. Alexandre Tagliani a encore une fois réussi à démontrer comment il y avait presque aucun problème avec les circuits ovales. Hein. Ça fait quelques fois qu'Alex Tagliani remporte des épreuves comme ça sur oval. Alors, on démontre encore une fois que la mécanique est peut-être un petit peu, je veux pas dire une technique de conduite que l'on connaît un peu moins, parce qu'Alex Tagliani, c'est quand même un pilote qui a beaucoup de bagages, qui a beaucoup d'expérience. Mais de ce côté-là, l'année dernière, on voyait quand même qu'avec une NASCAR, c'est différent. Et le niveau de compétition l'année dernière, comme cette année, est assez élevé, merci. Alors de ce côté-là, ça amène une espèce de, bien évidemment, un challenge de plus. Mais Alex Tagliani a quand même très bien réussi cette fin de semaine. C'est lui qui a remporté l'épreuve, tout juste devant le trifluvien Louis-Philippe Dumoulin. Louis-Philippe Dumoulin qui a réussi à faire sa meilleure performance de la saison. Je pense que pour certains, on attendait justement de voir jusqu'où ça pourrait aller pour Louis-Philippe cette saison. On le sait, ça n'a pas été le début de saison peut-être que l'on espérait et peut-être pas le début de saison le plus facile pour l'équipe WeatherTech. Par contre, Louis-Philippe Dumoulin a réussi à démontrer que un moteur qui a du chemin peut quand même très bien performer. Parce que sachez que le moteur à Louis-Philippe Dumoulin est rendu à sa 7e course quand en temps normal. Ça, c'est les dires des ingénieurs, puis tout ça, là. Mais quand, en temps normal, un moteur dans une voiture stock car NASCAR, ça a une durée de vie en moyenne de 5 courses. Donc là, on est vraiment rendu à nos 1000 poussées là, pour Louis-Philippe Dumoulin. On donne notre moteur au maximum de sa capacité. On est rendu à la 7e épreuve. Ça va être encore le même moteur aujourd'hui qu'il va utiliser, mais définitivement, ça l'a porté fruit en fin de semaine parce qu'il a pu monter sur la 2e marche du podium. Et sachez-le, Louis-Philippe Dumoulin, qui est un pilote, oui, comme je le disais, trifluvien, mais qui est un pilote qui performe tout le temps très, très bien ici sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, encore une fois, ça va être intéressant de voir où est-ce que tout ça va amener dans quelques semaines, exactement 2 semaines, parce que, comme je le disais, on a du gros calibre en piste, mais on a aussi des nouveaux qui arrivent presque à chaque épreuve, comme ça, quand on est locaux ou quand on est un gros événement, comme exemple le Toronto Indy, eh bien, c'était Daniel Murad qui s'était amené comme ça, peut-être pas à l'improviste, mais qui était venu remplacer quelqu'un. Alors, c'est comme un cheveu sur la soupe pour plusieurs. C'est une surprise pour plusieurs pilotes. Mais sur un circuit comme celui du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est quand même assez touché. Alors, j'ai hâte de voir comment Louis-Philippe Dumoulin va pouvoir s'en sortir du côté de Trois-Rivières. Mais on lui souhaite la meilleure des chances pour aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir si du côté de Saskatoon, ça va bien se passer. Sachez que Andrew Ranger est toujours le meneur au championnat malgré sa 6e position du côté d'Edmonton en fin de semaine. On a eu quelques accrochages, on a eu de la difficulté avec la voiture du côté d'Andrew Ranger. Le pilote disait tout simplement qu'on avait de la difficulté à tenir la voiture en piste. Elle semblait survirer beaucoup trop pour la piste qu'on avait, le circuit qu'on avait. Alors de ce côté-là, on reste quand même meneur au championnat avec 9 points d'avance. C'est très, très, très serré. Si je me souviens bien, je pense que les 3 premières positions sont quand même vraiment serrées. J'ai hâte de voir si ce soir, du côté de Saskatoon, tout pourrait changer ou bien si on va garder justement les 3 mêmes positions de tête au classement général. Appelons ça le classement général. J'ai de la difficulté avec les mots du championnat. mais sachez que du côté d'Edmonton, on a eu plusieurs accrochages, on a eu plusieurs jaunes. Apparemment que c'était une très belle course. Vous allez pouvoir regarder tout ça en fin de semaine sur les ondes de TSN en anglais si jamais ça vous intéresse. Mais sachez que je serai pas là. Mais non, je suis au Québec. Voilà. Il y avait aussi un événement dont je parle vraiment très rarement ici à l'émission parce que ça se déroule du côté des États-Unis. Je sais qu'en début de saison, je disais qu'on allait toucher quand même plusieurs départements, plusieurs séries de courses, mais... Le SCUSA Pro Tour, c'est vraiment un type d'événement de karting qui est quand même assez différent. C'est très, très gros aux États-Unis. C'est ce qui peut vous amener à devenir quand même assez connu dans le monde de la Indy si vous êtes aux États-Unis. Bien souvent, il y a des pilotes qui vont se ramasser à pouvoir faire des essais en Pro Mazda, par la suite en Indy Light et par la suite avoir un volant en IndyCar. De ce côté-là, je tiens à féliciter Thomas Neveu, un pilote d'ici, du Québec, qui a terminé en deuxième position dans sa catégorie. C'est très bien fait et bien souvent au SCUSA Pro Tour, ce sont des pilotes qui veulent. Ce sont de jeunes pilotes, bien évidemment, dans la catégorie à Thomas Neveu. Par contre, ce sont des pilotes qui veulent, ce sont des pilotes avec beaucoup d'expérience. Et quand on arrive à un événement comme ça, où on est peut-être, je veux pas dire le mouton noir, mais bien évidemment pas beaucoup de gens nous connaissent, peut-être pas de gens nous ont vu courser. Parfois, c'est peut-être plus facile d'être intimidé par ces fameuses autres personnes aux alentours de nous sur la piste. Par contre, Thomas Neveu, qui est un pilote très, très, très focus lorsque vient le temps de courser et qui, justement, je l'ai dit en début d'émission, qui est coaché par un gars de la région, un pilote de la région qui est Daniel Saint-Germain. Dan Saint-Germain, c'est un pilote qu'on a vu sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est un pilote qu'on a vu courser sur d'autres pistes au Québec, que ce soit Sanerre, Saint-Eustache. Et puis, Daniel qui fait un excellent travail, justement, avec son fameux petit poulain, qui est Thomas. Alors, j'ai très, très hâte de voir quand est-ce que Thomas va pouvoir soit monter de catégorie en karting, parce que là, je pense que ça s'en vient. Ça devrait arriver bientôt, parce qu'on performe vraiment au maximum de notre capacité. Je pense que c'est très, très rare maintenant que Thomas se ramasse pas à l'avant. C'est du talent à l'état pur. Je pense qu'on peut pas vraiment dire autrement. Oui, c'est du travail. Par contre, comme je l'ai dit, c'est du talent à l'état pur. Alors, c'est ce qui fait un petit peu le tour de ce qui s'est passé durant le week-end. Quand même beaucoup d'affaires qui s'est passé, que ce soit au Québec ou que ce soit à la grandeur du Canada. Mais j'espère que vous avez soit suivi ça durant la fin de semaine ou que maintenant je vous ai fait un bon review de tout ça, récapitulatif, voilà. Et tout de suite après la pièce musicale, eh bien on va parler de la finale du championnat du ECKC, du East Canadian Karting Championship, mais sans plus attendre, on va aller écouter, du country, qui est Kenny Chesney avec Save It for Rainy Day. Alors on se voit tout de suite après. No secret that lately there ain't no escaping that I've been waking up alone. Just me and the TV and a sinking feeling that you ain't ever coming home. But today, the tears ain't gonna hit the floor. Cause a boat's in the bay and it's calling my name, so I'm headed on out the door. Cause the sun's too bright, the sky's too blue. Beer's too cold to be thinking about. You're gonna take this heartbreak and chuck it away, save it for a rainy day. When I turned the ignition, I knew I'd been missing the feel of the wind on my face. I was stuck in a habit of wondering what happened, too busy taking all the blame. But a dream or two, there's a foolproof remedy. It's a beautiful world with a beautiful girl kinda making eyes at me. Cause the sun's too bright, the sky's too blue. Beer's too cold to be thinking about. You're gonna take this heartbreak and tuck it away, save it for a rainy day. Yeah, the music's too good, my friends are all out, and they're all too high to be bringing them down. If they ask about you, I got nothing to say, I'll save it for a rainy day. Mm-hmm. your time for wildness and wise, and how'd I let you get away? But the lion in bed all stuck in my head is just gonna have to wait. Cause the sun's too bright, the sky's too blue, beer's too cold to be thinking about you. Gonna take this heartbreak and tuck it away and save it for a rainy day. Yeah, the music's too good, my friends are all out and they're all too high to be bringing them down. If they ask about you, I got nothing to say, I'll save it for a rainy day. Gonna take this heartbreak and tuck it away, save it for a rainy day. Sur les ondes de Sifu 89.1 FM. On est ensemble pour la prochaine demi-heure. Il ne reste qu'une demi-heure à l'émission. Par la suite, ce sera le Mathieu Plante Show. Vous écoutez toujours En Piste avec Tania Baudin. Oui, sachez-le bien. En ondes, bien évidemment, avec Tania Baudin. C'est bien elle qui vous parle. Tout à l'heure, on a discuté de ce qui s'était passé durant la fin de semaine, un petit peu partout au Québec ou au Canada, et peut-être même un petit peu à l'extérieur du Canada pour ce qui était du SCUSA Pro Tour. Mais cette fin de semaine, il va se passer aussi beaucoup de choses, entre autres la finale du championnat de l'Est du Canada dans le monde du karting. C'est un gros championnat, ça fait quelques fois qu'on en discute ici à l'émission. On a déjà discuté avec certains pilotes aussi qui y participaient, mais cette fin de semaine, c'est les deux dernières manches, appelons-les comme ça, pour pouvoir vraiment marquer le plus de points au classement général et finalement remporter ce fameux championnat-là. Là, vous allez me dire, ouais, OK, c'est beau, là, tu gagnes le championnat, c'est correct, on a compris, tu gagnes un trophée, va-t'en. Non, sachez-le, il n'y a pas juste ça en jeu pour plusieurs des pilotes. En fait, le championnat de l'Est du Canada permet à certains pilotes de pouvoir participer à la grande finale du monde Rotax à la fin de l'année. Donc, lorsqu'on remporte ce fameux championnat-là de l'Est du Canada, on remporte aussi un ticket qui nous met automatiquement dans l'équipe Canada pour pouvoir aller participer à cette finale-là. Et je crois que cette année, ça va être du côté de l'Italie, si je me souviens bien. Oh, j'espère que je fais pas trop d'erreurs. Je pense que je vais essayer de chercher en même temps. Mais si je ne m'abuse, c'est vraiment du côté de l'Italie cette année. Sinon, c'est vraiment la finale du shifter qui serait du côté de l'Italie. Mais bon, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je vous reviendrai avec la bonne information si jamais il y a quoi que ce soit durant les prochaines semaines. Mais justement, comme je vous le disais, sachez que ce n'est pas simplement un trophée, un podium, une photo. OK, merci, tu es champion de l'Est du Canada. Non, non, non. Pour plusieurs pilotes, il y a beaucoup plus que ça en jeu. Et c'est vraiment d'aller défendre notre fameux titre canadien contre plusieurs autres pilotes mondiaux à la finale mondiale. Donc, de ce côté-là, ça devrait jouer quand même assez serré dans plusieurs catégories. En fin de semaine. Entre autres, si... sachez-le, j'ai vraiment de la difficulté à respirer, on dirait, mais il y a certaines catégories qui ne participent pas nécessairement à la finale mondiale du monde Rotax parce que ce ne sont pas des moteurs Rotax. Donc, entre autres, je pense à les fameuses catégories Briggs & Stratton, mais qui donnent, ma foi, un très bon spectacle malgré tout. Alors, cette fin de semaine, si jamais vous voulez, si jamais vous êtes du côté de l'Ontario, si jamais vous êtes du côté tout près de la piste de Mosport. Je sais que ça s'appelle plus comme ça, mais dans mon cœur, Mosport va toujours s'appeler Mosport. Voilà, c'est dit. Mais du côté de Briggs & Stratton Senior, c'est quand même assez serré entre Jeffrey Kingsley, qui détient la tête présentement, et Marco Signoretti. On parle d'une soixantaine de points. Ça peut se jouer en fin de semaine si jamais il arrive quoi que ce soit. Mais on sait que Jeffrey Kingsley en est à... Bon, il y en est à sa première année de grosse compétition dans la catégorie Briggs & Stratton Senior. Par contre, c'est un pilote qui s'y connaît très bien et c'est un pilote qui a... une équipe autour de lui qui fait partie de l'équipe PSL Karting, qui est assez très, très performante. On voit souvent les gars de PSL Karting et les gars de BRL Art sur les podiums, événement après événement du côté, que ce soit du championnat de l'Est du Canada ou bien la Coupe de Montréal ou encore d'autres événements comme ça. On se met sur la map avec ça vraiment du côté de l'équipe PSL Karting et Jeffrey Kingsley est un pilote vraiment qui peut nous donner cette fameuse bonne image, là, si on peut dire, le caméra 3. Je fais des guillemets, je ne sais pas si tu me vois, mais sachez-le, Jeffrey Kingsley, c'est un pilote très talentueux. Il est très... Tout à l'heure, je disais que Thomas Neveu était très focus, mais Jeffrey Kingsley aussi, c'est un pilote qui est très, très, très constant. Lorsqu'on parle de temps en karting, c'est quand même assez très important, et quand on parle de constance aussi. Alors, pour le moment, Jeffrey Kingsley mène le classement général avec 1127 points, 61 points devant Marco Signoretti, et en troisième position, on retrouve Pierce Herder. Alors là, je vous disais tout à l'heure que cette catégorie-là ne se ramasse pas nécessairement au championnat mondial Rotax. Par contre, ce qui arrive, c'est que tu deviens quand même champion de l'Est du Canada. Et si je ne m'abuse, c'est-tu là? C'est-tu dans l'Est du Canada? Je suis pas certaine. Là, je vais m'avancer sur quelque chose. Je pense plus que ce soit pendant le championnat canadien. Si tu deviens champion canadien de cette série-là, tu remportes... Roulement de tambour. Attendez un instant, faut que je me place. Roulement de tambour. Une génératrice, voilà. Non, c'est quand même assez très drôle. Par contre, c'est une chose que quand lorsqu'on va aux courses, plusieurs le savent, c'est très, très, très pratique. Alors, de ce côté-là, simplement d'avoir le titre de champion canadien et le titre de champion de l'Est du Canada, c'est quelque chose aussi. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler du côté des deux championnats, que ce soit Mosport en fin de semaine ou encore le championnat du Canada qui va être du côté de Mont-Tremblant, si je me souviens bien, et ça va être dans quelques semaines. Pour la série... Rotax Max Junior, la catégorie, pardon. Là aussi, on parle encore une fois de points très, très serrés. On parle d'une différence entre 75 points pour les deux premières positions. Matthew Latifi détient présentement la tête au classement général. Matthew Latifi, qui lui aussi est un pilote très, très, très constant et très, très bien coaché aussi. Mais Matthew, qui est un petit pilote, peut-être que parfois ça a des avantages. Là, je parle de petit vraiment en taille et en hauteur aussi, là, c'est... Il est pas grand et il est pas gros. Alors, parfois, ça peut peut-être lui porter des avantages, surtout dans la catégorie Rotax Max Junior, où la plupart du temps, les gars vont être un petit peu plus hauts et un petit peu plus bâtis, donc on va peut-être avoir une meilleure... Je ne vais pas dire adhérence, mais lorsqu'on va faire notre transfert de poids, ça va peut-être être plus facile à ce moment-là pour certains autres pilotes que pour Matthew Latifi. Par contre, on se débrouille très, très bien pour le moment du côté de Matthew Latifi. En deuxième position, c'est Ryan McDermott qui se retrouve là, 75 points derrière Matthew Latifi. Ryan, qui est un pilote qui se met de plus en plus sur la map, sur les podiums en 2016. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer pour lui aussi cette fin de semaine. C'est un pilote qui, malheureusement, par contre, est tombé en deuxième rang, probablement à cause de certaines malchances qui se sont déroulées à la dernière épreuve qui était du côté de Mont-Tremblant. On n'a pas fini les deux dernières épreuves pour Ryan McDermott. On a eu un accrochage et on a eu aussi, si je me souviens bien, c'était un bris mécanique. Alors de ce côté-là, bien évidemment, oui, on perd des points, mais sachez qu'on peut utiliser cette fameuse petite carte Joker qu'on appelle dans le championnat de l'Est du Canada qui nous donne cette permission, disons-le, d'effacer notre pire résultat du championnat jusqu'à présent. Alors, on peut l'utiliser simplement une fois. Par contre, on peut pas l'utiliser pour chaque fois que ça nous arrive. Mais de ce côté-là, j'ai comme l'impression que Ryan McDermott a comme décidé de mettre son Joker sur un des deux événements qui s'étaient déroulés à Mont-Tremblant il y a quelques temps de ça. Et en troisième position dans la catégorie Rotax Max Junior, on retrouve Andrés D'Alba, 102 points derrière Matthew Latifi, mais On le sait, c'est tellement serré que tout peut se passer si jamais il arrive quoi que ce soit en piste. Et je vous parle de Rotax Max Junior parce que oui, ils sont peut-être tout simplement 20 pilotes à courser, mais ça donne toujours un excellent spectacle et c'est toujours ça qui est le fun à voir. Les jeunes qui sont très, très, très téméraires en piste et qui vraiment ont rarement peur de quelque chose. Du côté de Rotax Max Senior, c'est Cédric Lupien qui détient la tête présentement. Seulement 40 points devant Gianfranco Mazzaferro et son frère Samuel se retrouve en troisième position. Alors encore une fois, c'est sûr que si je vous répète que les points sont très, très, très serrés, oui, OK, on le sait, tout peut jouer en fin de semaine. C'est vraiment ça l'idée. Gardez en tête que peu importe ce qui va se passer durant la fin de semaine, tout peut jouer. Et je vous rappelle encore une fois que pour plusieurs pilotes, c'est très, très, très important de quand même bien performer parce qu'on veut se rendre à ce fameux championnat mondial-là. On veut participer à cet événement-là. Lorsqu'on a cette chance-là, bien évidemment, ça nous amène à performer contre certains des meilleurs pilotes à travers le monde. C'est comme un petit peu les Jeux olympiques du monde du karting, sachez-le, parce qu'on a vraiment des pilotes qui viennent de partout dans le monde. Et lorsqu'on se retrouve sur l'équipe de Karting Canada, eh bien, de ce côté-là, c'est vraiment... j'ai comme le goût de dire c'est une belle fleur pour certains des pilotes, mais on a aussi un excellent accueil lorsqu'on arrive à ce fameux gros championnat-là. On a cette fameuse fraternité-là aussi entre chacun pilote canadien. Et bien évidemment, on veut super bien performer et on veut se rendre là. Alors du côté de Rotax Max Senior, ça va être quelque chose à garder en tête. Marco Di Leo est au quatrième rang. C'est vraiment très serré. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. J'ai comme l'impression que je vais devoir faire 12 choses en même temps durant la fin de semaine. Suivre plusieurs courses sur Monitor. Mais de ce côté-là, on souhaite la meilleure des chances du côté des pilotes en Rotax Max Senior et ça devrait encore une fois nous donner tout un spectacle. Il y a bien souvent, les grilles de départ sont pas nécessairement nombreuses du côté du championnat de l'Est du Canada, mais par contre, comme je l'ai dit, ça donne toujours un excellent spectacle et c'est vraiment très intéressant à voir. Rotax DD2, je crois que c'est une des plus petites grilles que l'on peut voir au championnat. Par contre, encore une fois, ça va vite. C'est une des catégories les plus performantes et les pilotes, bien souvent, se donnent à leur 125% au moment où on arrive dans la catégorie Rotax DD2. Alors, sachez que c'est Jeffrey Kingsley. Oui, vous avez déjà entendu son nom. C'est lui qui est le meneur en Briggs & Stratton Senior, mais c'est aussi lui le meneur en Rotax DD2. Je vous l'avais dit, c'est un gars qui est extrêmement constant en piste. Et c'est un pilote qui connaît ça. Je pense que Jeffrey Kingsley a beaucoup de talent. J'ai hâte de voir parce qu'on est comme revenu au monde du karting. On a eu une transition peut-être floue, brouillée il y a quelques temps de Jeffrey Kingsley où on a fait un saut en Formule 1600 et on est revenu au monde du karting. Alors, est-ce qu'on veut peut-être se rendre à un autre championnat mondial pour Jeffrey Kingsley et par la suite peut-être passer à autre chose ou on reste du côté du monde du karting? Je pense que c'est une question que je vais devoir poser aux pilotes la prochaine fois que je vais le voir, probablement au championnat canadien. C'est une discussion que l'on va devoir avoir parce que, oui, peut-être qu'il y a un côté budgétaire. Par contre, avec le talent que Jeffrey Kingsley a, c'est un pilote qu'on a vu sur des podiums en Formule 1600. Si je me souviens bien, c'est l'année dernière. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va me répondre par rapport à tout ça. Tyler Keshak le suit de très, très près, lui aussi, en deuxième position. Et Alessandro Bisotto se retrouve au troisième rang. Alors, si je le répète, si vous êtes du côté de Mosport en fin de semaine, donnez-vous la chance. Allez faire un tour à la piste de karting qu'ils ont refait. Oh, c'est tellement beau, cette piste-là. Même la piste de karting a été refaite dans son entièreté, quasiment. Alors, allez faire un tour si vous allez... avoir de très belles épreuves avec plusieurs pilotes en piste et c'est quelque chose que vous pouvez pas manquer, sinon faites comme moi, suivez-le sur Race Monitor. Je vous le dis, c'est quelque chose à faire et c'est quelque chose à... C'est sûr qu'on peut pas nécessairement avoir les caméras sur la piste lorsqu'on parle du championnat de l'Est du Canada, mais ça serait tellement le fun qu'on puisse avoir du broadcast. Si jamais il y a quoi que ce soit, il y a aussi CanadianKartingNews.com qui est le site internet qui va donner tous les résultats au fur et à mesure, bien souvent sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle de Canadian Karting News, c'est là qu'on va pouvoir avoir les premières nouvelles des événements de course qui se produisent. Alors, si jamais ça vous intéresse, eh bien, allez les suivre sur les différents médias sociaux parce que c'est sûr et certain que vous allez tout savoir grâce à eux. On va faire une courte pause musicale et au retour, on va parler avec le pilote Patrick Dussault. Alors, on va aller écouter Dean Brody et Upside Down. I was hitchhiking, walking neath the beating sun, no luck, till that purple bus of love pulled up. They said, hey, brah, looks like you could use a ride. Yeah, we took us a vote, we think you should drive. Because we're feeling kind of loaded. Not sure just where this trip is going. Probably somewhere on the water, torch in the sand, we just might never, ever come back from this. High up, side down. So we ate Doritos and on we drove. The only hippie not token was a girl named Flo. Groovy little smile, she really lit me up. She said, I'm looking for truth, but I'd be happy with love. And we were feeling kind of loaded. Not sure just where that trip was going, but probably somewhere on the water, torch in the sand. We just might never, ever come back from. Brody et la pièce Upside Down. C'est une pièce qui, je crois, je sais pas pour vous, mais met du soleil dans ma journée. Alors voilà, je voulais vous la faire écouter. Dean Brody, si je me souviens bien, lui aussi est un chanteur country canadien. Alors faites un tour si jamais ça vous intéresse. Ils viennent de sortir de nouvelles chansons. Faites le tour de ses réseaux sociaux et vous allez pouvoir tout découvrir de Dean Brody. Au téléphone avec moi, j'ai Patrick Dussault parce que je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on allait discuter avec le pilote qui a fait... une expérience peut-être hors du commun cette fin de semaine. On a décidé de sauter dans une Nissan Micra, Patrick? Oui, en fin de semaine, j'ai mon commanditaire, Perry Auto, qui avait la course Micra à Tremblant. Puis, ils m'ont demandé de faire une apparition médiatique dans leur voiture. En fait, le but de l'événement, c'était vraiment de pouvoir voir l'équipe de course puis mettre un petit peu d'intérêt dans la série. Puis, pour moi, ben, c'est une opportunité d'essayer quelque chose de très différent. Puis ça, tous les objectifs ont été atteints. Bien justement, de ce côté-là, je pense que tu as eu ton baptême assez bien fait. Tu as eu du temps sec et tu as eu aussi de la pluie. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi en piste? Oui, ben j'ai pas voulu être trop pousser la voiture. En fait, j'ai pas vraiment beaucoup de temps dans la voiture en tant que pratique. J'ai eu une demi-journée avec mon coéquipier Jean-Michel, Isabelle, un régulier dans la voiture Perry Auto. Mm-hmm. Mais pour moi, j'étais pas là pour voler des points à personne. Je suis vraiment content parce que mon bon ami Xavier Coupard a gagné les deux courses. Puis je suis très content pour lui. On a travaillé ensemble en pratique aussi pour s'aider en qualif. Donc pour moi, c'est une expérience le fun. Comme je te disais, j'avais pas là non plus pour essayer de voler des points aux compétiteurs du championnat. Moi, c'était plus pour avoir une expérience médiatique avec la série Nissan qui fait un très, très bon travail pour supporter la série Nissan Canada qui vient des rares manufacturiers qui supportent une série monotype. Donc, c'est super. Et dis-moi, de ce côté-là, du côté de la compétition en piste, comment est-ce que tu as vu ça? Je sais qu'il y a plusieurs pilotes, que ça fait très, très, très longtemps, qui courent dans le monde de la course automobile. Est-ce que pour toi, de compétitionner contre des gens comme ça, c'était le fun? Oui, c'était super le fun. Je dirais qu'il y avait beaucoup plus de pilotes expérimentés que dans d'autres séries. Moi, je connais pas tout le monde non plus qui fait de la course dans la Micra, mais je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pilotes expérimentés de différents âges. Les deux Valérie étaient là, super compétitifs aussi. Donc, pour moi, c'était une autre opportunité de rencontrer des gens. Puis, c'est ça. Donc, il y a pas vraiment de visage nouveau pour moi, mais c'est sûr que, en général, il y a beaucoup de visages nouveaux, mais je dirais que ceux qui sont en avant, naturellement, c'est des gars qui, ça fait deux ans qu'ils sont dans la série, puis qui ont du plaisir à faire cette série-là. Donc, meilleure chance à Xavier pour le reste du championnat. Je suis super content pour lui. Mais comme je te disais tantôt, j'ai rencontré une nouvelle personne. J'ai eu des bonnes petites batailles en piste, mais j'ai pas voulu trop pousser la note pour enlever des points au championnat à qui que ce soit. Bien, définitivement. Globalement, ça a été une expérience que tu as aimée. Est-ce que tu pourrais peut-être refaire une apparition dans cette série-là? Ben, si je refais l'apparition, ça va plus être pour travailler avec l'équipe sur la voiture. C'était mon but en fin de semaine. On a amélioré la voiture Perry Auto un petit peu. C'est sûr que Jean-Michel aurait peut-être fait un petit peu mieux que ce que j'ai fait en course, malgré qu'il est très habitué à la voiture. Donc, pour moi, je suis content d'avoir amélioré la situation de la voiture. Mais je crois pas retourner pour compétitionner dans cette série-là. Je voulais juste faire une apparition pour essayer un avant-coup. Puis mon baptême est fait. Puis comme j'ai dit à Didier Marceau, le promoteur avec Jacques Dehaye, le promoteur de la série, je voulais juste je challenge tout le monde d'essayer un petit peu la Nissan Micra parce que c'est vraiment pas facile à conduire. Non, hein? Quand on pense qu'on performe bien dans notre série, c'est pas nécessairement dire qu'on va performer en Micra et vice versa. C'est pas parce qu'on performe en Micra qu'on va nécessairement performer ailleurs. Donc chacun a ses habitudes. Puis comme je disais, c'est un autre challenge, puis c'était super le fun. Et dis-moi rapidement, je sais que toi aussi, tu es pressé. Nous, on est en fin d'émission. Les préparations du Grand Prix, ça se passe bien jusqu'à présent? Ça arrive dans quelques semaines? Ouais, les gars, ils travaillent super fort sur la voiture pour la mettre en meilleur fait possible après Toronto. Là. Mm-hmm. Je suis super fier à ce niveau-là. Puis, le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est un gros événement pour tous les Québécois qui courent en NASCAR Penske. Donc, pour nous, c'est un gros événement aussi. On a autant notre place que tout le monde là-bas. Donc, on va essayer d'avoir le meilleur résultat possible encore une fois. Puis aussi, on va se préparer pour Mosport à la fin de la saison. Bien, Patrick, merci beaucoup d'avoir été brièvement avec nous et de nous avoir dit comment ça s'était passé pour toi en fin de semaine. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et comme il le disait, bien, c'est pas nécessairement parce qu'on passe d'une série à une autre que ça va se conduire super bien ou que l'on pense que l'on va très bien performer. Et j'ai bien aimé le fait que, justement, la différence, elle est là. Une Nissan Micra, c'est très, très, très différent, que ce soit sur le sec ou que sur la pluie. L'adhérence est différente et la technique de conduite aussi est différente. Alors, d'avoir un pilote d'une série comme celle de la série NASCAR Pinty's qui peut nous en discuter, c'est quand même très, très plaisant. Et comme il le disait, si jamais vous voulez suivre l'action de Patrick Dussault sur les réseaux sociaux, bien allez faire un tour sur Patrick Dussault Racing sur Facebook, entre autres. C'est sûr et certain que vous allez pouvoir suivre tout ce qui se passe avec le pilote québécois. On fait un bref tour de ce qui se passe sur le web avec le monde de la course automobile. Dans le Nouvelliste, c'est-à-dire la presse, mais Trois-Rivières, on parle de Serge Lafrenière, qui est un des organisateurs des Amis du Grand Prix, qui est devenu tête d'affiche cette semaine. J'étais vraiment très contente de voir Serge Lafrenière dans le Nouvelliste cette semaine. On parle de son amour pour les gens avant la course automobile. Alors, c'est un article très, très intéressant. Ça fait des années qu'il est très, très, très impliqué au niveau des Amis du Grand Prix. Et les Amis du Grand Prix, entre autres, qui donnent une bourse à un pilote pour pouvoir performer durant la fin de semaine du Grand Prix. Cette année, c'est Valérie Chiasson. Et Serge Lafrenière siège justement sur ce jury-là. Alors, c'est un article que je posterai sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Serge Lafrenière, qui est un homme de bon cœur. Alors, sachez-le. Sur le site Internet de Canadian Karting News, eh bien, on n'est pas les seuls à avoir entendu parler de la performance de Thomas Neveu, parce que Canadian Karting News en parle aussi sur son site Internet. On parle du Scusa, on parle entre autres de Neveu et de son podium. Alors, encore une fois, on va parler aussi de son mécano qui est Daniel Saint-Germain et qui est un excellent coach pour le pilote. Si cet article aussi se retrouvera sur la page Facebook et sur le site internet fr.motorsport.com, bien évidemment dans la section Québec-Canada, un article de René Fagnan qui nous fait une immersion dans les puits au IndyCar. Alors, René Fagnan qui était du côté du Toronto Indy en fin de semaine, on a pu se faufiler dans l'équipe de Connor Daly et de pouvoir vraiment intégrer l'équipe pendant les ravitaillements de la voiture numéro 18. Alors, si jamais ça vous intéresse, allez faire un tour. C'est quand même un très bon article où on parle justement de tout ce qui peut se passer durant une course ou durant l'arrêt au puits. Toute cette espèce de frénésie-là qui tourne autour de ce qui se passe durant les pit stops, comme on appelle. Alors, faites un tour sur cet article. C'est très, très bon. Et nous, c'est déjà la fin cette semaine. Oui! Ah, c'est triste, hein? Ça passe vite une heure. Mais sachez-le, les deux événements du Grand Prix de Trois-Rivières arrivent bientôt et En Piste avec Tania Baudin, comme je le disais en début d'émission, sera là en début de journée, à chaque journée de fin de semaine, pour pouvoir justement faire des entrevues avec pilotes, discuter avec vous de ce qui s'est passé durant peut-être la fin de semaine, la veille ou encore peut-être des potins, qui sait? On va faire un gros, gros, gros show directement à partir de là-bas, sous la tente C'est fou 89.1 FM. Et comme je le disais, si vous êtes dans le coin, si vous écoutez notre émission, si vous savez qui on est, eh bien, venez faire un tour. Ne vous gênez surtout pas, ça va nous faire plaisir. Et suivez la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin, parce que je vous avais discuté un petit peu, j'avais fille devant, c'est-tu comme ça qu'on dit? Fille devant, oui, je pense que c'est ça. J'avais fille devant qu'on pourrait peut-être retrouver des gilets à l'effigie d'En Piste avec Tania Baudin au Grand Prix de Trois-Rivières au kiosque C'est fou 89.1 FM. Alors, restez à l'affût sur la page Facebook parce que vous allez avoir toutes les indications sur la page Facebook pour les deux week-ends du Grand Prix. Et nous, on va se laisser avec Blake Shelton et la pièce Good Old Boys. Bonne semaine tout le monde! Time I turn around, I see some dude dressed like a clown, baggy pants and a cap on sideways. They don't say ma'am or sir no more, they won't even hold a door for a woman. It's a crying shame. Tell me, where did all the good old boys go? Must be working on the farm. an old bar stool, telling lies and cutting a fool, talking about the way it was and wishing. Down in Orange Beach, Alabama, hanging out at the Floribama, headed out the pass and going fishing. Tell me, where did all the good old boys go? Must be working on a farm or out there chasing rainbows. Are they hiding down in Georgia or at a Texas rodeo? Tell me, where did all the good old boys go? Driving cattle and riding high, living life the cowboy way. Or down there on the front line, fighting off the bad guys, giving them hell for the good old USA. Tell me, where did all the good old boys go? Must be working on a farm, or out there chasing rainbows. Are they backing off?